Le journal d'Internet des Coréens aux États-Unis, Minjok Tongsin du 15, donne un écrit appelant tous les compatriotes à mener énergiquement une lutte pour l'indépendance et la réunification pour ainsi réussir à coup sûr aux activités communes nationales à l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie.